Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps dans ce palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Cendrillon, pour ses 20 ans, et la plus jolie des enfants, son bel amant, le prince charmant, la prend sur son cheval blanc, elle oublie le temps, dans ce palais d'argent, on ne peut pas voir qu'un nouveau jour se lève, elle fait les yeux, et dans ses rêves, elle part.